connaissez le côté de faire des chefs, parce que ça reste en 25 ans, en premier comme sa présence. Je crois que ces travaux sur les grossesses depuis 25 ans nous ont fait beaucoup avancer sur la question. Et pour remercier le docteur Schneider, qui a bien voulu reprendre la balle au bon, nous faire un exposé tout à fait intéressant et qui, sans le savoir à la fin, m'ouvre une porte, puisque je vais parler effectivement du dernier petit point que vous avez abordé, que vous avez appelé la récidive, et que je vais peut-être apporter un peu autrement. Voilà. Et moi, je voulais appeler un coup de tonnerre, est-ce un coup de tonnerre dans un ciel serein, le dernier process. Alors, quand j'ai choisi le titre, je ne savais pas que vous allez mourir mercredi, sous un orage absolument monstrueux à Montpellier, après 3 ou 5 mois de ciel serein, justement, et de beau temps. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Alors d'abord, effectivement, quand même, il faut rappeler que le délire de grossesse est une situation extrêmement paradoxale. Il y a beaucoup de paradoxes. Le premier, d'ailleurs, c'est celui de la définition elle-même. Être enceinte sans avoir conscience de l'être. Quand on y réfléchit, c'est un peu extraordinaire, parce que ce que chacun d'entre nous croyons, c'est peut-être pas vrai, les spécialistes, c'est peut-être vrai, mais ce que chacun d'entre nous croyons connaître le mieux, c'est nous-mêmes. Et là, nous sommes en présence d'une femme qui croit se connaître très bien et qui pendant des mois, parfois pendant 9 mois, va porter à elle un processus, celui de la vie, sans s'en rendre compte. C'est quand même un premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, il faut quand même le souligner, c'est que ces femmes qui sont en délit de grossesse, non seulement ne donnent pas, ne présentent pas, n'offrent pas les signes d'une grossesse habituelle, mais à l'inverse, elle donne très souvent les signes d'une non-grossesse. Alors, je vais l'expliquer un petit peu. Les signes de la grossesse habituelle, tout le monde le connaît. La prise de poids, la protrusion abdominale, le masque de grossesse, les jambes lourdes, la fatigue, la vie de fraise. Vous l'avez noté tout à l'heure, je pense que ça a un caractère universel. Voilà, tous ces signes-là que tout le monde connaît très bien et qui fait que quand une femme enceinte passe dans la rue, les gamins de 3 ans, et là, ça, c'est ou absent, ou tellement diminué dans le début de grossesse qu'il peut y avoir des interprétations autres, et que la femme qui effectivement va avoir des douleurs dans le ventre ne va pas dire j'ai un bébé qui bouge, mais j'ai une gastro, j'ai une colonie phréatique, j'ai quelque chose comme ça. Et le pire, c'est que parfois elle consulte un médecin, voilà, que le médecin lui-même, comme l'a souligné le père Feder, peut donner un traitement à une gastro. Donc, effectivement, pourquoi le médecin se trompe, effectivement, parce que les signes de la grossesse sont absents, et que quand il demande à cette patiente, question classique, madame, à quand remonte la dernière règle, et que la femme lui répond à 15 jours, le médecin, claque, ferme la case, grossesse, et passe à autre chose. Eh bien, un des paradoxes, un des forts paradoxes qui est la grossesse, c'est justement qu'une très forte proportion de ces femmes-là sont souvent positives et ont des pertes d'hémorragie périodique mensuelle, alors soit liées à la contraception d'ailleurs, soit pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais l'immense majorité de ces femmes ont le règne. En tout cas, c'est comme ça qu'elles interprètent l'hémorragie. Et toute femme a appris de sa mère, la personne la plus fiable, quand on a le règne, on n'est pas enceinte. Donc avec ça, on comprend pourquoi le déni est si difficile à voir, à la fois pour la femme et à la fois pour l'entourage et parfois pour le professionnel, parce que les erreurs ne sont pas rares, ça peut jeter la personne qui n'est pas la bien à qui que ce soit. Troisième petit paradoxe pour moi, c'est que finalement, c'est généralement présenté comme très souvent, et je remercie le docteur Feder de avoir prévu une articulation de mon intervention, présenté comme un épisode isolé dans une histoire où c'est très calme et normal, effectivement, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors, bien entendu, ce coup de tonnerre dans un ciel serein, on s'en rend compte quand on lit les témoignages. Moi, je suis frappé quand je vois les femmes pour la première fois, quand je lis leurs témoignages, quand je lis ce qu'il y a dans la presse. On a vraiment l'impression à chaque fois que le déni est une histoire qui commence avec cette grossesse-là et qui se clôt avec cette grossesse-là. Et c'est quelque chose de très frappant, vous allez voir qu'on a du mal à raconter parfois. Voilà, et ça, c'est d'autant plus accentué finalement que, comme l'a montré le professeur Brezlinka, plus de la moitié des femmes qui font des grossesses ont déjà eu un ou deux enfants, apparemment, tout à fait normalement. Donc ça renforce cette impression de coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de ces quelques affaires où il y a un, deux, trois bébés retrouvés morts longtemps après. Dans notre expérience, nous avons une femme qui en a six. Et pour dire que ça va être répétitif. Mais là aussi, on a l'impression que ça ne concerne que ces cas-là et que pour les autres cas, on est justement dans cette chose extraordinaire qui est totalement isolée dans la vie de la femme. Voici trois petites lignes cliniques que j'ai appelées de Montpellier de Troyes. Ça ne sont pas du tout de Montpellier, c'est pour mettre du prénom. Voilà une jeune femme active qui est sous contraceptif, qui fume, qui boit, j'allais dire raisonnablement. Nous sommes chez le grand massage, on peut être raisonnable, on va voir ça pour l'alcool, on ne va pas passer chez ça. Comme tout le monde, en quelque sorte, voilà. Qui fait du sport intensément, d'ailleurs de l'athlétisme, ce qui est un petit peu incompatible avec le fait de boire et fumer, bon, vous savez, la vie n'est pas aussi cartésienne qu'on le devait, qui a un pro, qui est salarié, qui a 21 ans, et qui fait un minimum à 21 ans, avec un enfant vivant, d'ailleurs, qui en est maintenant une petite dizaine d'années. Et si on prend l'histoire à l'envers, si on essaie de remonter dans les antécédents, on se rend compte que cette femme-là, 3 ans avant, elle avait 19 ans, elle était étudiante, elle était célibataire, a fait une découverte très tardive de grossesse qui s'est soldée comme une IVG portée à l'étranger, mais à aucun moment, personne ne lui a dit « Mademoiselle, Madame, vous avez fait un déni partiel. » Elle, quand elle raconte son histoire, le seul déni était là. Moi, j'en vois deux. Histoire suivante. Une jeune femme active, une femme active, vous savez, un petit peu plus âgée, c'est une troisième jeune, qui utilise une contraception, qui a un niveau Bac plus 3, un emploi de très haut niveau, qui vit maritalement, qui a 44 ans, qui fait un déni total, et l'enfant décède au moment de l'accouchement. Et quand on remonte dans son histoire, 14 ans avant, elle avait 30 ans, cette femme a fait un déni total, accouchant un bébé vivant, qui vit toujours et qui va bien, au bureau. Au bureau. Et c'est son chef de service qui appelle le SAMU, elle est évacuée, etc. Personne, à l'hôpital d'Orient, lui dit « Madame, vous avez fait un délit de grossesse. Madame, il faut une prise en charge. Madame, attention à la suite. » Voilà. C'est une affaire qui est passée à l'assise, quand moi je ne connaissais pas le détail de ce coup-là, parce que c'est sorti au cours du procès, quand le président m'a interrogé là-dessus, il m'a dit, enfin, monsieur, vous voyez bien, cette femme a fait n'importe quoi, c'est le deuxième. J'ai dit, monsieur, ça pourrait s'analyser comme une perte de chance. Hier, avec le colloque de Michel Delcroix, on était dans le juridique, dans le médico-juridique. Je me demande si cette femme ne pouvait pas poursuivre les professionnels qui, 14 ans avant, l'ont prise en charge en urgence pour un délai de grossesse, et qui ne lui ont pas dit, c'est un délire grossesse, vous risquez de récidiver, attention, faites-vous suivre. Voilà. Là, je crois que c'est très grave. Troisième histoire, celle d'une jeune femme active, avec une contraception peut-être un peu aléatoire, elle dit que oui, mais bon, j'en ai déjà un petit peu moins sûr, une activité physique régulière de bon niveau, un niveau bas, salarié, elle vit maritalement, 27 ans, délit total, enfant décédé. Et là aussi, comme on remonte, 2 ans avant, elle a 27 ans. Fausse couche, un déni partiel, pas du tout diagnostiqué. 3 ans avant, découverte tardive d'une grossesse, avec un enfant vivant qui va bien, c'est-à-dire un déni partiel qui, là non plus, n'a étonné personne, n'a appelé aucun diagnostic, n'a rien appelé du tout de la part des professionnels. Je me centre 2 minutes sur ces histoires de fausse couche dont le professeur Bezenka a rappelé à l'époque autour de la fausse couche. De délire. Donc, je vais faire un petit résumé de l'intervention de Michel Hubert dans le délire à Toulouse sur ce point-là et de celle du professeur Bessel. Simplement, que vous avez donc dans l'ouvrage que vous avez remis, simplement pour dire que globalement, de 5 à 10% des grossesses déniées ne sont pas nécessairement suivies d'une naissance et que les décès se produisent essentiellement in utero, comme vous l'avez souligné, du fait de l'absence de prise en charge. Ça me fait penser, parce que j'ai quelques raisons de penser, que quand ce sont des fausses couches qui interviennent dans un déni non levé, elles disparaissent totalement de l'histoire obstétricale. Et que quand on interroge ces femmes-là, c'est par l'entourage que vous apprenez après qu'il y a eu un moment où, ben oui, elle avait l'air d'être enceinte et après elle n'a plus été. Hein? Autrement dit, dans cette histoire obstétricale, il faut aller chercher très loin pour essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir. Alors, autrement dit, quand j'ai dit tout ça, peut-être qu'il peut y avoir des histoires simples, des vrais coups de tonnerre dans un ciel serein. Moi, j'ai l'impression d'en avoir vu quelques-unes dans ma tête. Enfin, j'avance et je me pose des questions. Mais je crois, j'en suis sûr même, qu'il peut également y avoir des histoires qui donnent l'impression de se construire au fil des gestations et même de s'aggraver. Et on passe d'un déni partiel avec un enfant vivant à une fausse couche un peu plus avancée et puis à un déni total. Et tout ça sans que personne n'ait rien fait. Et bien sûr, avec toutes ces histoires autour des fausses couches qui viennent compliquées parce que ça passe encore plus inaperçu. Alors, autrement dit, de mon point de vue, finalement, le déni peut être, comme on le dit tout le temps, partiel, c'est-à-dire qu'il ne couvre qu'une partie de la grossesse, qui ne va pas jusqu'au terme. Il peut être total, parce qu'il couvre toute la durée de la grossesse. Et je crois même qu'il peut réapparaître d'une grossesse à la suivante, avec possiblement cette idée d'intervention. En tout cas, c'est peut-être parce que je les ai cherchés dans ce sens-là que je les ai trouvés dans ce sens-là. Ce que je dis n'a aucune valeur épidémiologique. J'espère que ça a une valeur un peu clinique, mais ça n'a pas de valeur épidémiologique. En plus, le nombre de cas que je connais est quand même relativement limité, puisque quelques 400 femmes ont pris contact avec l'association. Nous n'avons pas eu des interventions, des interviews, des groupes de parole avec toutes, donc ça diminue le nombre. Et celles qui rentrent dans ce cadre-là, on a pu en recenser une dizaine, à peu près, voilà, sur une cinquantaine de dossiers qui sont documentés que nous avons. Ça n'a pas de valeur statistique, je le redis, parce que le recueil est biaisé. Alors, quelles conséquences tout ça? Mais si on compte les chiffres que vous avez donnés à la population française, à peu près, il naît un petit peu plus qu'en Allemagne, autour de 800 000 naissances par an en France. Là-dessus, on peut estimer à au moins 3 000 dénis après 3 mois, sûrement beaucoup plus d'ailleurs, 1 500 à 1 600 dénis qui persistent après 5 mois, parce que finalement, presque toutes les femmes sont dans le déni les 15 premiers jours, et puis, voir comme ça, ça diminue au fur et à mesure, on va prendre conscience, bien sûr. 300 à 350 dénis totaux, et à peu près 80 dénis totaux qui accouchent n'importe où, au bureau, dans la voiture, dans un supermarché, absolument n'importe où, hors tout contexte médicalisé. Et bien sûr, c'est dans ces 80-là qu'il y a des drames dont on parle dans les médias, mais de mon point de vue, finalement, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien commencer par une grossesse qui passe inaperçue jusqu'à 3 mois, 4 mois, et puis peut-être que la suivante sera un déni à 5 mois, ou un déni total, ou des choses comme ça. Et à partir du moment où on voit les choses comme ça, il me semble que le rôle des professionnels est essentiel. Vous l'avez souligné, je crois que vraiment il existe. Une femme qui fait un déni partiel, une femme qui fait une fausse couche sans avoir su qu'elle était enceinte, il faut absolument qu'elle ait une prise en charge. Je crois que le clinicien, la sage-femme, l'infirmière doivent être convaincus que ça peut se reproduire et que ça peut s'aggraver. En tout cas, dans les histoires que je vous ai racontées, c'est comme ça que ça se passe. Et je crois qu'il est inacceptable de laisser partir une femme qui a fait un déni partiel simplement en se satisfaisant d'une rationalisation. On ne l'a pas dit, il y a un propos d'hier, du docteur Guettari, il y avait ça derrière. Bien sûr que la femme qui arrive avec un déni partiel et qui craint de passer pour l'idiote du village va construire une petite histoire. J'avais peur de le dire à mon mari, je ne savais pas comment le dire, etc. Des choses comme ça. Il ne faut pas se satisfaire de cette explication. Il faut vraiment vérifier était-elle consciente ou pas d'être enceinte, jusqu'à quelle date, si on est au-delà de 3 ou 4 ans. Attention, madame, peut-être qu'il faut avoir un suivi gynécologique. On peut réguler et pas se satisfaire de gérer chez le gynéco quand j'y pense. Et ça, ça nous renvoie à une question fondamentale qui est celle que vous avez formulée de la formation des professionnels de santé. Je crois que cette notion que le déni existe, il peut se répéter, il peut s'aggraver. Si on l'a en tête, on ne préviendra pas le délit, comme vous l'avez dit, mais on préviendra un certain nombre de conséquences douloureuses et dramatiques du délit. Je vous remercie de votre attention.